cloué au bois infâme, l'agneau est immolé. Le ciel, la terre tressaillent, Jésus a tout payé, et nous venons à lui purifier. Oui, nous venons à lui. Réconcilié par Jésus.